Bonjour et bienvenue dans La Croisière Folk. Je m'appelle Eric Cooper et je vais accompagner vos oreilles pendant 60 minutes avec une chouette sélection de musique, le meilleur de la musique folk. Nous avons une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. Yes, we have a Facebook page called La Croisière Folk. Do not hesitate to like the page. And if you want to write to me, lacroisierefolk@yahoo.com. Alors, on a une page Facebook, hein, comme je le disais donc à notre audience internationale, qui s'appelle La Croisière Folk. Et puis, si vous voulez nous écrire, eh bien, on a un petit Yahoo, lacroisierefolk@yahoo.com. C'est utile pour les touristes. Oui, les touristes aussi peuvent m'écrire, mais surtout les artistes. Si vous avez peut-être des albums que vous avez envie de voir diffuser dans cette émission, eh bien, proposez-les-moi en m'envoyant un petit mot et peut-être un petit lien pour que je puisse télécharger l'album en bonne qualité. Donc, lacroisierefolk@yahoo.com. Et nous avons démarré cette émission avec Martha Tilton et Loch Lomond. On va poursuivre avec The Seldom Seen, City of New York, Alison Krauss and the Cox Family, Love Me Like a Rock. Et puis Jerry Garcia Acoustic Band, Swing Low, Sweet Chariot. Cet extrait de leur album Almost Acoustic, c'est un album qui a été très apprécié, qui est toujours très apprécié par ses fans pour la superbe qualité sonore et la sélection musicale. L'album donc est composé avec des chansons enregistrées à l'automne 87 à l'Huntfontein Theater de New York et au Wiltem Theater de Los Angeles. Il est sorti en décembre 88. Alors, qui est le Jerry Garcia Acoustic Band? Eh bien, c'était un ensemble musical éphémère qui jouait de la musique folk et bluegrass en utilisant des instruments acoustiques. Allez, tout de suite, The Seldom Seen, City of New York. Bienvenue dans La Croisière Folk. Je suis très heureux de vous tenir les oreilles pendant 60 minutes. Riding on the city of New Orleans, Illinois Central, the Monday morning rain. Got 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors and 25 sacks of mail. We're all out on the southbound Odyssey as a train pulls out of Kankakee. Rolls past the houses, farms and fields, past the towns that have no name, and the freight yards full of old black men, and the graveyards of rusted automobiles. Singing good morning America, how are you? Yet don't you know me, I'm your native son. Well, I'm the train they call the city of New Orleans, and I'll be gone 500 miles, my day is done. Dealing cards with the old men in the club car, and it's penny a point, there ain't no one keeping score. Won't you pass that paper bag that holds the bottle? You can hear the wheels a-rumbling through the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride at father's magic carpet made of steel. And the mothers with their babes asleep go rocking to the gentle beat. The rhythm of the rails is all they dream. Singing good morning America, how are you? Yet don't you know me, I'm your native son. Well, I'm the train they call the city of New Orleans, and I'll be gone 500 miles, my day is done. Midnight on the city of New Orleans, changing cars in Memphis, Tennessee. We're halfway home, we'll be there by morning, through the Mississippi darkness rolling to the sea. And then all the towns and people seem to fade into a bad dream. The old steel rail, it ain't heard the news. The conductor sings his song again, the passengers will please refrain. This train's got the disappearing railroad blues. Singing good night America, how are you? Yet don't you know me, I'm your native son. Well, I'm the train they call the city of New Orleans, and I'll be gone a long, long time when day is done. Singing good night America, how are you? Yet don't you know me, I'm your native son. Well, I'm the train they call the city of New Orleans, and I'll be gone a long, long time when day is done. When I was a little boy, when I was just a boy, and the devil would call my name, when I was just a boy, I say, who do you think you're fooling? When I was just a boy, I'm a consecrated boy, when I was just a boy, all singing in a Sunday choir. My mama, she loves me, she loves me. Gets down on her knees and hugs me, and she loves me. Like a rock, oh yeah. She rocks me like a rock of ages and loves me. But I was grown to be a man, grown to be a man, and the devil would call me, grown to be a man. I say, who do you think you're fooling? Grown to be a man, I'm a consummated man. She loves me, she loves me. She gets down on her knees and hugs me, and she loves me like a rock. Oh, she rocks me like a rock of ages and loves me. Congress would call my name. Would Well, I say, who do? Who do you think that you're fooling? Who do you think you're fooling? Well, I'm the president, you see. What's the president? My own, the president. Acoustic Band à l'instant avec Swing Low, Sweet Chariot. Je me demande si cette chanson n'est pas l'hymne aussi des joueurs de rugby en Angleterre. Allez, confirmez si vous le voulez en m'envoyant un petit mot à croisièrefolk@yahoo.com. Et tout de suite, eh bien, je vous propose 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nobody does it better. Et dans cette chronique 1, 2, 3 qui vous permet en trois chansons de découvrir un album, on va découvrir l'album de Peter Rowan Bluegrass Band Legacy. Avec ce CD, le légendaire artiste bluegrass Peter Rowan rend hommage à l'héritage des maîtres du bluegrass qui nous ont quittés, comme par exemple Bill Monroe. Alors, il ne reprend pas simplement leurs chansons, mais en fait, dans cet album, il nous offre 11 nouvelles chansons qui sont écrites par Rowan lui-même. Le résultat n'est rien de moins qu'une révélation, une sorte de legacy. Cet album pourrait avoir la même signification pour le bluegrass traditionnel que l'album American Recording pour le country traditionnel. Rowan, qui a fait partie dans les années 60 du groupe de Bill Monroe, les Bluegrass Boys, revient ainsi à ses racines. Et c'est ce saut dans son propre passé qui a donné lieu à son meilleur disque depuis des décennies. Dans cet album, la religion est prédominante. Les titres comme God's Own Child, Let Me Walk Lord By Your Side, ou Turn the Other Cheek, ou aussi The Night Prayer parlent d'elles-mêmes. Mais tout comme sur American Recording de Johnny Cash, le caractère religieux ne dérange jamais. On ne peut que respecter la sincérité de l'artiste. Surtout, c'est d'ailleurs le cas pour Johnny Cash, cela débouche sur des chansons inspiré et intemporel. Comme quoi, on peut être religieux, on peut être croyant et ouvert. Et tout de suite, de cet album de Peter Rowan Bluegrass Band Legacy, sorti en 2010, on écoutera Turn the Other Cheek, The Night Prayer et Across the Rolling Hills. Oh, listen, oh, good people, the story is true. I wonder, has this ever happened to you? Kind of loving parents falling on hard times. Show them you love them and ease their worried mind. Oh, turn the other cheek, my Savior's words are true. Do unto others as you'd have them do to you. Fussing and fighting, flesh, blood and bone. That won't pacify the demon of a broken home. Now, parents, when your children have troubles of their in a pickle with the law or run away from home, don't judge or blame them, just show them that you care. The love that you give will always be there. Oh, turn the other cheek, my Savior's words are true. Do unto others as you'd have them do to you. Fussing and fighting, flesh, blood and bone. That won't pacify the demon of a broken home. Now Christmas time's a coming, it comes but once a year, bringing us together with our joys and our fears. Oh, how I long for that silent holy night, where all is forgiven, everything is made right. Oh, turn the other cheek, my Savior's words are true. Do unto others as you'd have them do to you. Fussing and fighting, flesh, blood and bone. That won't pacify the demon of a broken home. Turn the other cheek. My Savior's words are true. Do unto others as you'd have them do to you. Fussing and fighting, flesh, blood, and bone. That won't pacify the demon of the broken home. That won't satisfy the demon of a broken home. Watching them iron wheels rolling down the rails of polished steel. Fire burning in the belly of the beast. What you want the most, you need the least. Parallel lines go on and on. They seem to meet on the horizon. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. God bless Mommy and Daddy too, Grandma, Grandpa, the captain and the crew, and all the ships at sea. That's how my father prayed with me. With my band. sing a song of freedom when I'm riding. I sing a song of freedom when I'm riding. I sing a song of freedom forever living being. Across the rolling hills I come riding. On my wind horse at sunrise I come riding. At sunrise I come riding. On my wind horse at sunrise we're dancing in the sky. Across the rolling hills I come riding. Across the rolling hills I ramble at my will. Across the rolling hills I come riding. Home, my home, Vajragura, by my city home. Home, my home, Vajragura, by my city home. Oh, my home, Vajragura, by my city home. I'm my son. Padmasambhava comes right on my home. Vajraguru Pema City home. Oh my home. Vajraguru Pema City home. Oh my home. Vajraguru Pema City home. Padmasambhava. Ces trois morceaux que je vous ai fait découvrir, ou plutôt ces trois morceaux qui vous ont aidé à découvrir l'album de Peter Rowan Bluegrass Band Legacy, c'était Turn the Other Cheek, The Night Prayer et Across the Rolling Hills. Et si vous êtes un amateur de bluegrass, il y aura quelque chose que vous aurez sans doute remarqué, c'est que dans beaucoup d'albums de bluegrass, et je dis même beaucoup, beaucoup, parfois on reprend des cantiques qui sont travaillées à la sauce bluegrass. Donc ça fait... c'est ce qui prouve que pas mal, d'ailleurs, d'artistes bluegrass sont croyants, mais je trouve que ça passe très bien parce qu'il y a vraiment un esprit d'ouverture dont, d'ailleurs, beaucoup de personnes devraient s'inspirer. Allez, moi je vous propose de partir peut-être, puisqu'on est avec le bluegrass aux États-Unis, de partir au Moyen-Âge. Et j'ai envie de vous faire découvrir un podcast qui s'appelle Passion médiéviste. C'est un podcast sur le Moyen-Âge avec des interviews de jeunes chercheurs en master ou de thèses d'histoire médiévale. Et dans l'extrait d'épisode que je vous ai choisi, eh bien, on parle de l'arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Non, j'arrête de chanter, je promets. On parle donc de l'arbre au Moyen-Âge et de la façon dont il est traité dans les encyclopédies et textes savants. Allez, tout de suite, donc, on écoute un extrait. Dans les herbiers, la place de l'arbre, elle va varier d'un texte à l'autre et c'est déjà très significatif d'analyser cette place puisqu'il y a des herbiers qui ne parlent pas de l'arbre, par exemple. Il y a des herbiers uniquement consacrés aux plantes herbacées. Il y a d'ailleurs aussi des encyclopédies qui vont pas particulièrement parler du règne végétal. C'est déjà intéressant en soi, parce que c'est vrai que le règne animal, par exemple, a peut-être plus de succès, encore aujourd'hui, je pense. Donc mon travail, c'est déjà d'analyser la place du végétal, puis la place de l'arbre. Et ensuite, est-ce qu'il y a des chapitres spécifiquement consacrés aux arbres, ou est-ce que c'est juste des listes de plantes alphabétiques, et dans ce cas-là, lesquelles peuvent être considérées comme des arbres, selon quels critères? Et donc ce qu'on voit bien, c'est que pour définir l'arbre, c'est avant tout une plante qui est dite arbre dans les textes. Donc, d'accord. C'est une définition un peu décevante, je pense, pour un regard contemporain, mais pour le Moyen-Âge, c'est vraiment important de se dire que définir la plante, c'est déjà accéder à une partie de la connaissance de l'objet. Donc je me concentre vraiment sur les plantes qui sont définies comme des arbres. Qui sont nommées aussi. Oui, qui sont nommées arbore, arbre en français. Voilà, extrait donc de ce podcast que je vous fais découvrir aujourd'hui. Ça s'appelle Passion médiéviste et vous pouvez le découvrir sur SoundCloud. Tout de suite, eh bien, on part du Moyen-Âge, on revient ici en Europe avec un groupe allemand qui s'appelle Is et leur morceau Seafarer, extrait de leur album Südsee, Sehnsucht et Skorbut. Alors, ma prononciation allemande est toujours aussi géniale. Donc, si vous avez envie de me donner cours, n'hésitez pas. L'album, donc, est sorti en 2018. C'est leur 8e album. Et dans cet album, le groupe Is nous parle de leurs expériences en mer et dans les ports, du travail acharné sur le pont et dans la salle des machines, de l'utilité du rhum, attention avec modération, des naufrages, des adieux et du retour au pays. Santiano, avec Santiano. Et puis, un Belge qui s'appelle Geoffroy, extrait de son album Geoffroy et les Coulonneux, extrait de l'album donc sorti en 75, on écoutera le Rien sans mal. De toute façon, je m'en fous parce que comme ça, moi, je peux rentrer à ma maison. C'est pas que j'en ai rien à foutre de vos histoires, mais je dois visionner la saison 17 des Feux de l'amour, parce que j'aime bien ça en VO. Segel gehisst und die Liebste geküsst, wir fahren hinaus auf die See. Proviant ist an Bord, wir wollen jetzt fort, der Abschied tut allen weh. Doch bleibt es dabei, wir sind endlich frei, und weil wir im Kreise uns drehen, ist es jetzt an der Zeit, und wir sind bereit, auf die lange Reise zu gehen. Lasst uns leben, wir trotzen den Wellen, dem Wind. Lasst uns leben, bevor unsere Zeit verrinnt. Ziehen auch Stürme auf, geben wir nicht auf, weil wir Seefahrer sind. Die Tage, sie ziehen wie die Wolken dahin, langsam verlässt uns der Mut. Das gelbe Gestirn verbrennt Haut und Hirn, wir rösten in höllischer Glut. Doch lasst das Geschrei, ist die Flaute vorbei, kommt wieder Land in Sicht. Raus aus dem Verlies und ins Paradies, das uns der Prophet verspricht. Lasst uns leben, wir trotzen den Wellen, dem Wind. Lasst uns leben, bevor unsere Zeit verrinnt. Nach Stürme auf, geben wir nicht auf, weil wir Seefahrer sind. Das Boot ist leck und der Steuermann weg, um uns Stille und Meer. Der Mond scheint rot und verlacht unsere Not, der Glaube hilft uns nicht mehr. Wir kannten das Ziel, doch wir hatten zu viel Hoffnung auf Freiheit und Brot. Und so gehen wir unter und geschieht kein Wunder, finden wir den nassen Tod. Lasst uns sterben, am Ende ist jeder allein. Lasst uns sterben, schlaft ihr nur ruhig ein. Wenn der Albtraum beginnt und das Blut gerinnt, werdet ihr auch Seefahrer sein. Lasst uns sterben, am Ende ist jeder allein. Lasst uns sterben, schlaft ihr nur ruhig ein. Doch wenn der Albtraum beginnt und das Blut gerinnt, werdet ihr auch Seefahrer sein. Que t'écoutes ce que j'ai à te dire. Tu me coupes pas, t'écoutes, et puis de toute façon, même si t'as quelque chose à dire, ça changera rien, parce que ce que j'ai à te dire, c'est comme ça, puis c'est tout. D'accord ? Si vous venez de prendre l'antenne, eh bien, vous écoutez La Croisière Folle. À petite dose, ça calme les anxiétés, mais à haute dose mélangée à l'alcool, ça devient un antidysleptique hallucinatoire puissant. Si vous avez envie de communiquer avec nous, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de regarder quelques vidéos, eh bien, sachez que nous avons une page Facebook. Yes, we have a Facebook page. Just Facebook. Et le nom de cette page Facebook s'appelle La Croisière Folle. Please, don't hesitate to like our Facebook page. I speak English well. I learn it from a book. Et si vous êtes un artiste, n'hésitez pas non plus à nous envoyer

Herzlich willkommen hier heute Abend in der Kulturwerft. Ja. On est parti un beau matin à 3h-20. Les marins avaient un gros nez bleu comme le vin. Notre paquebot n'était pas gros, mais il était beau. Aussi beau que la mer, aussi beau que les flots. Ah, ah, ah, ah, vive la marine. Ah, ah, ah, ah, vive les marins. Y'en a qui disent que comme ça beau, on ne fait pas mieux. Y a ni cuisine ni lavabo, ce sont des envieux. Il faut dire que c'est pas souvent que je me fais la malle. Sur un bateau pas plus prudent que le rien sans mal. Ah, ah, ah, ah, vive la marine. Ah, ah, ah, ah, vive les marins. On a bu et on a pêché, puis on a mangé. Le plus dur c'était pour pisser, on s'est arrangé. Le soir on est rentré au port, des fois j'en rêve encore. Une caisse pleine à ras-bord de poissons d'or. Ah, ah, ah, ah, vive la marine. Ah, ah, ah, ah, vive les marins. Mais quand je me suis réveillé au petit matin, j'ai compris que j'avais vogué entre tes deux seins. J'ai rêvé d'avoir un gros nez bleu comme le vin. Viens ma belle accordéonner jusqu'au matin. Ah, ah, ah, ah, vive la marine. Ah, ah, ah, ah, vive les marins. Geoffroy, le rien sans mal. J'ai découvert un nouveau magazine. En fait, il n'est pas tout à fait nouveau. Et comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit que de temps en temps, j'ai mon chat qui se promène lorsque j'enregistre l'émission. Aujourd'hui, il n'est pas là, il est au-dessus de la garde-robe. Comme ça, vous savez un petit peu tout. Et j'ai trouvé donc ce magazine Miaou dans lequel j'ai trouvé quelques infos intéressantes. Savez-vous qu'il y a un chat à la Maison-Blanche? Joe et Jill Biden, donc les nouveaux locataires de la Maison-Blanche, ont décidé d'adopter un chat. C'est ce qu'ils ont annoncé dans un communiqué de presse. Le matou rejoindrait Champ et Major, les deux bergers allemands du couple. Ce serait le premier chat à la Maison-Blanche depuis India, le chat des Bush et une American Shorthair noire. Alors, lors d'une conférence de presse, Jen Psaki, donc, qui est l'attachée de presse de la Maison-Blanche, à laquelle un journaliste demandait où en était l'adoption du fameux chat, a répondu « Je n'ai pas de nouvelles du chat, mais nous savons que le chat va casser Internet, mais je n'ai aucune nouvelle sur son statut. » Donc, peut-être si vous allez sur le site de la Maison-Blanche, eh bien, vous pourrez peut-être avoir des nouvelles donc du chat de la Maison-Blanche. Alors, une autre petite info que j'ai trouvée dans Miaou. Alors, selon une étude de plusieurs chercheurs britanniques de l'université du Sussex publiés dans la revue Nature, l'humain pourrait communiquer un état émotionnel positif à son chat en clignant lentement des yeux. Quand ils ronronnent, ils sont détendus, les félins ferment souvent doucement les yeux. Si un humain regarde un chat et clôt, puis ouvre les yeux de la même manière, l'animal vient volontiers vers lui. Des matous ont même été à la rencontre de parfaits inconnus communiquant ainsi avec eux. Il semblerait donc que ce clignement lent ait un effet relaxant sur les chats qui interagissent alors plus volontiers. Donc n'hésitez pas, si vous avez un chat, clignez des yeux. Et ça vient d'un magazine qui est diffusé, je pense que c'est un bimensuel, c'est tous les deux mois, qui s'appelle Miaou, miaou. Voilà, donc si vous aimez les chats, n'hésitez pas à lire miaou. Allez, on poursuit en musique avec Amy Ray, Jesus Was a Walking Man, Barbara Dane, Dancing Love Song, extrait de son album Anthology of American Folk Song, un album qui date de 59. Je peux vous dire que j'étais pas né. Cette dame, elle vit en Californie, à Oakland, et fêtera son 95e anniversaire le 12 mai. Donc si vous avez envie de lui souhaiter bon anniversaire, et ensuite Luarna Lubre avec Albarada. Let's make a glory land right here where we stand. Jesus was a walking man. Egypt, Jordan, Judea, Jericho, Samaria. Jesus was a walking man. In the shoe store down set up free. Jesus was a walking man. Jesus was a walking man. Jesus was a walking man. I ain't dodging war in Syria, Afghanistan, Somalia. False, says my mother. And the very next evening caught another, leaving you alone to pine and sigh. My father is a handsome devil. He's got a chain that's 5 miles long from every link a heart does dangle of some poor maid. He's loved and wrong. Wish that I was some little sparrow, yes, one of those that fly so high. I'd fly away to my false true lover, and when he'd speak, I would deny. All on his breast I'd light and flutter with my little tender wings. I'd ask him who he meant to flatter, court some other tender lady, and I hope that she will be your wife, 'cause I've been warned est, c'est fini. Ah, voilà, c'est avec Louarna Loubre que nous avons clos cette émission, ou plutôt c'est l'avant-dernière chanson. On va se quitter avec Clarisse Lavanant, La ville que j'ai tant aimée, extrait de son tout nouvel album de Kérouz à Ouessant, un album que je vous conseille. Je vous rappelle donc, nous avons une page Facebook, n'hésitez pas bien sûr, allez la visiter, la liker, et puis si vous avez des choses à poster, des annonces de concerts, vous me les envoyez et on vous les poste. Concert folk, hein, pas des concerts de hard rock, hein, hein, lady. Non mais c'est vrai, c'est une émission... J'ai mon accent parfois qui revient. Tiens, en fait, il y a un truc que je voudrais dire à nos amis français. Vous savez que l'accent belge, ça n'existe pas, puisqu'en fait, il y a autant d'accents que de villes en Belgique. Voilà. Donc, et je le dis aux autres aussi, comme ça. Bien, alors donc, nous allons terminer donc avec... où en était ? Voilà. Oui, vous... Je pars parfois, je saute du coq à l'âne, c'est ça qui est chouette dans cette émission. Donc Clarisse Lavanant, La ville que j'ai tant aimée de Kérouz à Ouessant. Si vous aimez les podcasts, eh bien vous allez vous chercher sur Google les interviews d'Eric Cooper, je l'ai interviewé. On est un petit peu partout, hein, sur Spotify, Radio Line, Mixcloud, Soundcloud. Vous n'hésitez pas bien sûr à écouter tous mes podcasts, il y en a plein qui vont vous plaire. Moi je vous dis au revoir. Je vous rappelle que si vous avez envie de nous écrire, lacroisièrefolk@yahoo.com. We have a Facebook page called La Croisière Folk. You can write to me, lacroisièrefolk@yahoo.com. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Je vais me lancer dès que l'émission se termine sur la programmation de la prochaine émission, qui sera d'ailleurs... Oui, oui, je regarde un peu mon calendrier. Normalement, ce sera un spécial femme. Une fois par mois, vous savez, on ne fait que... des interprètes féminins, que ça, paf, que des femmes dans l'émission, et moi ça me fait bien plaisir, c'est chouette comme émission. Et donc voilà, ça c'est le pour la semaine prochaine. Je vous quitte, que la force soit avec vous, à la semaine prochaine, et passez de bons moments bien sûr à l'écoute de votre radio. I'll be back. Il y a aussi le Belge qui est au volant de sa voiture sur l'autoroute, il a la radio IRTL évidemment qui est allumée, et tout à coup, attention, bulletin spécial, il y a une voiture qui est en contresens sur l'autoroute A1, attention, il y a une voiture. Et le type dit, mais c'est pas une voiture, c'est des centaines de voitures. Elle est née d'une ferme tout en haut d'un rocher. Cette ville que j'ai tant aimé. Du lavoir à l'hiver, de l'église à l'été, les siècles s'enchaînaient aux années. Ils avaient les moissons pour vacances l'été, et les femmes saignaient sur le lin déroué. Et la pluie tombait blanche sur les toits ardoisés de la ville que j'ai tant aimée. On y venait de Nantes les dimanches.